L'inconnu de Pérol, CD numéro 3. Soulagée d'échapper à ses questions, elle fila vers la salle de bain. En 2 minutes, elle réussit à ramener ses cheveux en chignon, à se maquiller légèrement et à se parfumer. Puis elle gagna le dressing où elle enfila une robe de soie noire, fendue sur le côté, et des escarpins à hauts talons. Un coup d'œil dans la glace la laissa dubitative. Elle se trouvait trop habillée, mais n'avait plus le temps de dénicher une autre tenue. Lorsqu'elle gagna le rez-de-chaussée, elle constata qu'Aurore avait déjà accueilli 2 médecins qui travaillaient dans le service de pneumo et une de ses amies infirmières qu'elle était en train de présenter à Adrien. Pascal embrassa son frère, puis entraîna tout le monde dans le jardin d'hiver. Elle servit de la sangria à ceux qui en voulaient et déboucha une bouteille de Chablis à l'intention de son père. Ainsi qu'il le lui avait fait remarquer, elle était chez elle à présent. Néanmoins, le rôle de maîtresse de maison lui semblait un peu incongru. « Ils sont loin, tes goûters de petite fille, » lança Adrien en levant son verre. « Plus d'orangeade, plus de roulé à la confiture. » Il but sa sangria d'un trait, fit claquer sa langue. « Pas mauvaise du tout. Je me resserre si tu permets. Alors, où en es-tu ? J'ai vu que tu avais retrouvé des tas de vieilleries dont tu aurais mieux fait de te débarrasser. Pourquoi ne t'arranges-tu pas une nouvelle déco ? Faute de moyens. Et puis ça ne me gêne pas. Je n'ai descendu du grenier que des choses que j'aime. Tu ne devrais pas t'accrocher au passé, ma puce. Déjà, habiter ici, ce doit être lourd. Lourd ? Non, c'est plutôt formidable, je ne renie rien. » Du coin de l'œil, elle vit arriver Laurent Villeneuve. Il se dirigea droit vers elle et lui tendit la main, un peu embarrassé par les 2 bouteilles de champagne qu'il portait. « Vous êtes magnifique !» s'exclama-t-il. « Et la maison paraît à la hauteur. » En lançant ses invitations, elle avait précisé qu'elle pendait la crémaillère et que ce serait une soirée décontractée. Laurent portait un jean, une chemise blanche sans cravate et un blouson de cuir. Pourquoi avait-elle mis une robe aussi habillée ? « Monsieur Villeneuve, quel plaisir de vous retrouver. Nous nous sommes rencontrés lors d'un congrès à Madrid il y a 2 ans. » Laurent se tourna vers Henri qui venait de les rejoindre. « Docteur Fontanelle, bien sûr, ravi de vous revoir. » Profitant de la présence de son père, Pascal traversa le jardin d'hiver pour aller accueillir Samuel et Marianne. « Tu es irrésistible, » lui glissa Sam en l'embrassant. Un peu crispée, Marianne regardait autour d'elle. « Vous avez une belle maison, » fit-elle platement. Elle avait apporté en cadeau un coffret d'encens, probablement une idée de Sam, qui avait souvent vu Pascal allumer des bâtonnets de santal pour parfumer leur appartement. Aurore s'arrêta à côté d'eux, chargée d'un plateau d'allumettes au fromage. « Qui veut tester ? C'est de ma fabrication. » Derrière elle, Adrien faisait passer un bol de petites saucisses fumantes. Pascal lui présenta Marianne, puis les abandonna afin de saluer de nouveaux arrivants. Grâce à Aurore, la soirée commençait à s'animer. Le ton des conversations montait, des rires fusaient déjà. Les grandes portes vitrées qui séparaient le jardin d'hiver de la véranda étaient ouvertes, offrant ainsi un vaste espace de réception. Pascal alla s'assurer que les radiateurs électriques étaient branchés, car elle venait de frissonner dans sa robe légère. « Besoin d'aide ?» s'enquit Laurent. « Je crois que tout ira bien, merci. Mais si vous avez du feu sur vous, il faudrait allumer les bougies. » Il fouilla ses poches, en sortit un briquet. « Je comprends que vous ayez craqué pour cet endroit, c'est magnifique. » « Mon père n'était pas d'accord, mon frère non plus. Heureusement, je suis têtue. À vrai dire, j'aurais été désespérée de savoir Pérol vendu à d'autres. Vous avez racheté vos souvenirs d'enfance, c'est ça ? En quelque sorte. Mais je fais aussi un pari sur l'avenir. » À travers les carreaux de la véranda, elle vit que les torches brûlaient toujours à l'autre bout du parc. Et elle se rappela les feux d'artifice qu'Adrien tirait les soirs du 14 juillet. Ils les préparaient en grand secret avec leur père, et une fois la nuit tombée, ils couraient d'un endroit à l'autre pour allumer les mèches, tandis qu'elle poussait des cris de joie en battant des mains, debout sur le perron. Elle se promit d'y repenser l'été prochain et d'en organiser un à son tour. Lorsqu'elle se retourna, elle constata que Laurent l'observait d'un air amusé. Son sourire s'accentua, et soudain elle le trouva très séduisant. « Vous n'avez pas invité le professeur Clément ? » plaisanta-t-il. « Si je l'avais fait, personne d'autre n'aurait voulu venir. Elle est franchement odieuse. Tenez, le cas dont je parlais devant vous l'autre jour, à propos de ce vieux monsieur tabagique, eh bien, le scanner a montré une lésion indécelable autrement. Je ne prescris pas par ignorance. Ces sous-entendus sont... inutiles de vous justifier, » dit-il doucement. « Vous devriez oublier un peu l'hôpital. » Il ne souriait plus. Pourtant, son regard restait chaleureux. Durant 2 ou 3 secondes, Pascal le contempla en silence. Puis elle prit brusquement conscience de ce que son attitude pouvait avoir d'équivoque. « Allons boire quelque chose, » bredouilla-t-elle. Bon, elle était célibataire. Elle avait le droit de montrer à un homme qu'il lui plaisait. Mais en tant que directeur du CHU, Laurent Villeneuve se retrouvait hors jeu. Le draguer serait la dernière des bêtises à faire. « Pascal ?» Elle sentit qu'il posait la main sur son épaule, l'arrêtant net dans son élan. Jusqu'ici, il n'avait pas utilisé son prénom. La manière dont il venait de le prononcer était absolument délicieuse. « Si je vous ai contrarié, excusez-moi. » Le contact des doigts sur sa peau nue la fit tressaillir, et il la lâcha tout de suite, aussi gênée qu'elle. Seigneur, avait-elle vraiment envie de lui? Elle l'avait vu 3 fois. « Pas du tout, mais je dois retrouver mes invités, je... »« Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ?» lança Samuel d'un ton goguenard. « Il faut vous ravitailler sur place ?» Il apportait 2 verres de sangria qu'il leur mit d'office dans la main. « Aurore t'attend à la cuisine. Elle m'a chargé de mettre un peu de musique. Seulement tes disques sont affligeants. Toi, Laurent, tu n'aurais pas 2 ou 3 bons trucs dans ta voiture? Un peu de pop anglaise ou... » « Bien sûr, je vais les chercher. » Samuel attendit qu'il ait quitté la véranda pour se mettre à rire. « Il te fait de l'effet, on dirait. Garde tes commentaires pour toi, Sam. » L'impression d'être prise en faute l'exaspérait au moins autant que le désir qu'elle venait effectivement de ressentir. « Je plaisantais, ma chérie. D'ailleurs, tu m'as toujours répété que tu n'aimais pas les yeux bleus. C'était juste pour me faire plaisir ?» Il la prit par la taille d'un geste de propriétaire et l'entraîna vers le jardin d'hiver. « Lâche-moi. Marianne risque de ne pas apprécier. »« Je ne suis pas mariée avec elle, » protesta-t-il en retirant son bras. « Avec moi non plus. » Elle le vit se raidir comme si elle l'avait injurié et entendit à peine la phrase qu'il lâcha à voix basse. « Crois bien que je le regrette. » S'écartant d'elle, il fit 2 pas vers la table qui tenait lieu de buffet. « Sam, tu as perdu ton humour. » Pourquoi réagissait-il si mal ? Parce qu'il l'avait trouvée en tête-à-tête avec Laurent ? Elle le rejoignit et se planta devant lui. « Tu veux visiter la maison ? Je t'en ai tellement rebattu les oreilles. Et puis c'est grâce à toi si nous sommes tous là ce soir. Je ne te remercierai jamais assez. Ne sois pas stupide. Tu y serais très bien arrivée toute seule. » « Oh oui !» claironna Henri. Elle aurait fini par le faire, parce qu'elle est têtue comme une mule. Mais tout de même, tu ne m'as pas aidée dans cette histoire, Samuel. Maintenant, ma fille habite seule, une trop grande baraque, à 700 kilomètres de son vieux père. » Il avait l'air de plaisanter. Néanmoins, Pascal ne fut pas dupe. Il s'agissait bien de reproches, et il était content de pouvoir les servir à son ex-gendre. « Emmenez-moi faire le tour du propriétaire, Henri, que je me fasse une idée. » Ces deux-là trouvaient toujours moyen de s'entendre, même quand ils n'étaient pas d'accord. Samuel adressa un clin d'œil complice à Pascal et suivit Henri. Mais en passant près d'elle, il s'arrêta une seconde pour lui chuchoter à l'oreille. Quand un homme a vraiment aimé une femme, pour lui l'histoire n'est jamais finie. Interloquée, elle prit le premier verre qui lui tomba sous la main et le vida d'un trait. Jamais fini ? Était-ce une sorte de déclaration d'amour qu'il venait de lui faire, alors que Marianne se trouvait dans la même pièce ? Elle chercha la jeune femme du regard et la découvrit en grande conversation avec Georges Mattei, un charmant garçon qui pratiquait la kiné respiratoire comme personne. Apparemment, elle n'avait rien remarqué. Elle semblait s'amuser. Tant mieux. Pascal fila à la cuisine où Aurore s'affairait, toujours secondée par Adrien. « Cette soirée est une réussite !» déclara gravement son frère. Elle l'examina d'un œil critique, se demandant s'il avait trop bu ou si c'était la présence d'Aurore qui le rendait grandiloquent. Du plus loin qu'elle se souvienne, Adrien avait toujours cédé au charme des jolies filles. « Porte ça là-bas, » dit-elle en lui tendant 2 grands saladiers. Aurore sortait les tartes du four et Pascal les mit à refroidir sur le bord d'une fenêtre. « Ton frère a l'air d'un sacré cavaleur. C'est un euphémisme. » Après avoir échangé un coup d'œil, elles éclatèrent de rire ensemble. « Avoue que j'ai eu une bonne idée de te pousser à lancer des invitations. Ta maison est l'endroit idéal pour recevoir et s'amuser. » Le brouhaha des conversations leur parvenait sur fond musical. « Notre bon directeur s'est transformé en disque jockey ?» ironisa Aurore. « Je l'ai vu passer il y a 30 secondes avec une pile de CD. »« Comment le trouves-tu ? » La question avait échappé à Pascal, qui se mordit les lèvres tandis qu'Aurore la dévisageait. « Villeneuve ? Mais craquant, évidemment. Mais intouchable, je te préviens. Il y a bon nombre de filles à Purpan qui s'y sont cassées les dents. Remarque, il a raison de rester hors de portée, sinon tu imagines la pagaille. » Elles quittèrent la cuisine chargée de plats qu'elles allèrent déposer sur le buffet. « Vous vous servez et vous vous installez où vous voulez, » lança Pascal d'une voix forte. Pendant près d'un quart d'heure, elle remplit des assiettes, déboucha des bouteilles, bavarda avec chacun sans bouger de sa place, jusqu'à ce que son père et Samuel viennent la rejoindre. « J'ai tout visité, et je peux te dire une chose, ma chérie. Tu as fait un très bon investissement. » Sam lui souriait gentiment, sans aucune ambiguïté. « Je persiste à croire le contraire, » soupira Henri. « J'ai habité ici assez longtemps pour le savoir mieux que personne. Rien que l'entretien de ce bazar. À propos d'entretien, » coupa Pascal, « ton jardinier veut absolument continuer à travailler ici. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le payer, mais il n'en démord pas. Lestrade, débarrasse-toi de lui. De quel droit vient-il t'envahir ?» Furieux, son père avait parlé trop fort. Il se maîtrisa et poursuivit, plus bas, quoique tout aussi sèchement. « C'est un simple d'esprit. N'écoute pas ce qu'il raconte. Ne le laisse même pas entrer. » « Tu lui as confié une clé, » rappela-t-elle. « Et c'est toi qui l'emploies depuis plus de 20 ans. Parce que ces fichus locataires auraient tout laissé en friche, ou déraciné n'importe quoi. Je n'y connais rien non plus. Eh bien, apprends. Mais bon sang, pas avec Lestrade. » Pourquoi se mettait-il dans un état pareil ? Adrien s'approcha de lui, le prit fermement par le bras. « Viens t'asseoir, papa. On va manger quelque chose. » Henri le suivit de mauvaise grâce, laissant Pascal désemparé. Elle aussi, ce jardinier, la mettait mal à l'aise, avec son insistance et ses propos incompréhensibles. Cependant, elle ne comprenait pas ce qui chagrinait autant son père. « Quelle véhémence !» souffla Sam derrière elle. « Votre monsieur Lestrade est un satyre ?»« Non, juste un brave type un peu bizarre. » Samuel lui passa une main dans la nuque, remontant une mèche qui s'était échappée de son chignon. « Ton père a un problème avec Pérol. Il est venu pour te faire plaisir et parce qu'il s'ennuyait de toi, mais il déteste être là. » Depuis la véranda, Marianne adressait de grands gestes à Samuel afin qu'il la rejoigne. « On en reparlera, » dit-il en s'éloignant. Le buffet était dévasté. Il ne restait presque plus rien dans les plats que Pascal se mit à empiler. La journée du lendemain risquait d'être consacrée au rangement, mais peu importait. Pour l'instant, elle se sentait merveilleusement bien. À l'aise, heureuse chez elle. Car pour sa part, elle n'avait aucun problème avec Pérol. Elle porta la vaisselle sale à la cuisine, prit deux plateaux de fromage qu'elle revint déposer sur le buffet. Enfin, elle gagna la véranda où tout le monde semblait beaucoup s'amuser. « Et si vous vous arrêtiez 5 minutes ?» suggéra Laurent lorsqu'elle passa à côté de lui. Il était installé à une table entre Georges le kiné et Aurore. En face d'eux, un chirurgien racontait sa récente expérience de vacances au club Méditerranée avec un humour grinçant. S'asseyant sur le bras du fauteuil d'Aurore, Pascal écouta distraitement la fin de l'histoire, consciente que les yeux de Laurent ne la lâchaient pas. Lorsqu'elle se décida à tourner la tête vers lui, il esquissa un sourire contrit. De nouveau troublée, comme 2 heures plus tôt, elle fut cette fois incapable de soutenir son regard. Décidément, cet homme l'attirait. Peut-être était-elle seule depuis trop longtemps. Après son divorce avec Sam, il lui était arrivé de croire que personne ne lui plairait jamais autant, qu'aucune rencontre n'aurait la même intensité. Sam avait été son premier véritable amour. Et par la suite, ses aventures rares l'avaient laissé un peu désabusé. Sa réaction de ce soir face à Laurent Villeneuve signifiait-elle qu'elle était enfin guérie de Sam et de l'échec de leur couple? Elle prit une profonde inspiration pour trouver le courage de lui parler, mais elle ne réussit qu'à marmonner qu'elle allait chercher une bouteille de vin. « Non, ne bougez pas, j'y vais. » En se levant, il lui posa la main sur le poignet juste une seconde, d'un geste aussi doux qu'une caresse.